Come to Giron. Notre session est pleine de Ninja Hero. Yeah, yeah, yeah. Ha. We just need Ninja Hero. Able to give without a debt. Able to give without a debt. Donc à mon tour. Si j'aime ces chiens. le rouge. Tous les amis ont un match. On lâche rien. Tenir un fil, très bien. Aujourd'hui, here and now, here and now. try to stay. Sur la surface du réel, ne sachant plus sur quoi j'ai prise, j'ai le pouvoir sur une fine couche de glace fondante avec global warming. C'est bon. To go to the river. À moitié noyé dans la rivière, je sombre. Je vois les lumières de l'ambulance flotter. Morning. I didn't know whose bed I'm in. Besoin de faire tout. exotique, une vie exemplaire. Que j'ai pu. Non. Élevé pour tout, j'ai pu. Tu l'auras pas. Tout c'est. T'as beau tout faire, tu l'auras pas. Esterne-toi. Dis amen à la religion capitaliste qui englobe tout le fuck. Thank you. c'est pas mon sauveur. N'oubliez pas. Comment tourne le vent, comment tournent les rôles. Bourreau, victime, sauveur. Ça tourne souvent. Le bourreau se lève tôt. En général, les tissus de génération ancestrale désignée par le roi. De peau d'un. Même quand je dors, je dis. La route tient le fil, on le détend, on le déroule, on le vérité. Juste un petit moment. Du grand faux. Avec bien à vouloir créer une situation. Ça reste fondamental dans le retomber pour voir Ce que ça donne, donne. Si ça résonne, ça a l'air. Allez, l'air Gigo, de rien. Non, Gigo, tout le monde s'est barré. Il faut y aller. Un air salé, comme sur une plage. Allez, abandonnée. À bientôt. C'était cool. Alors, jeudi, je vais essayer de faire la fête à Saint-Go. Donc, à Saint-Go, vous ne faites pas gazer, en fait, vous ne faites pas casser la gueule. La madrague. Hein ? À tout balayer. Tu fais la manif avec moi, jeudi ? Déjà. Il y a 2 heures de lag. Plus d'un 10. On n'a rien fait. Ils nous ont tous quittés. Bisous. Qu'est-ce qu'on a fait ? Bisous. Ah, cool. Ok. Jamais. Enfin, non, t'as gagné, là, tu m'as dit. Depuis plusieurs décennies. Jeudi, je pense pas. Ah ouais, je suis assigné. En fait. C'est-à-dire que si tout l'hôpital de jour ne fait pas grève, je ne peux pas faire grève. Je suis assigné. Et on est en petit comité, du coup. Jeudi soir. Ouais, mais on se voit jeudi soir quand même. Ouais, moi je vais me coucher, mais on est en petit comité. Téléphone, hein, au pire. Alors, je vais voir ce qu'il y a sur une autre session. Tu vas te coucher, toi ? On discute avec de la latence, là, non, mais tu t'en rends compte ? Mais oui, avec plaisir, propose à Gourgoulou.